On se serait donc bien gardé d'ajouter une histoire particulière de Charles XII, roi de Suède, à la multitude des livres dont le public est accablé. Si ce prince et son rival, Pierre Alexiowitz, beaucoup plus grand homme que lui, n'avaient été, du consentement de toute la terre, les personnages les plus singuliers qui eussent paru depuis plus de 20 siècles. Mais on n'a pas été déterminé seulement à donner cette vie pour la petite satisfaction d'écrire des faits extraordinaires. On a pensé que cette lecture pourrait être utile à quelques princes si ce livre leur tombe par hasard entre les mains. Certainement, il n'y a point de souverain qui, en lisant la vie de Charles XII, ne doive être guéri de la folie des conquêtes. Car où est le souverain qui puisse se dire « J'ai plus de courage et de vertu, une âme plus forte, un corps plus robuste, j'entends mieux la guerre, j'ai de meilleures troupes que Charles XII. » Si avec tous ses avantages et après tant de victoires, ce roi a été si malheureux, que devraient espérer les autres princes qui auraient la même ambition, avec moins de talent et de ressources?